Audiomatique. Amorcer la transmission 4-3-2 d'Audiomatique, les sonoristes ont choisi de vous présenter la musique du groupe américain Bower Birds, du troisième album de Bower Birds, intitulé The Clearing et paru en 2012, nous entendions la chanson Death Wish. Et nous laissons maintenant la place à la musique avec la formation Broadcast. Thank you. Thank you. marching instead, mile after mile. C'est sur la musique de la formation suisse Lunettes Noires que se complétait cette séquence de trois pièces. La composition intitulée In Case Of apparaît sur la compilation Trans Europa Swiss Swedish Techno Compilation publiée en 1989. Avant Lunettes Noires, c'était la formation argentine El Corte et de son premier album homonyme paru en 1985, nous écoutions la pièce Las Tres Mitades. Et en amorce de séquence, c'était la formation Broadcast et la composition Lights Out, exclusive à l'anthologie Work and Non-Work. Cet album regroupe les trois singles de Broadcast réalisés en 1996 et auquel s'est ajoutée la pièce exclusive Lights Out que nous avons entendue. À Audiomatic, nous poursuivons cette fois avec le duo américano-turc Didon. Oh, l'esprit nous guette. Encore un shitload de conneries. C'est un orchestre de fleurs devant la maison de ce petit oiseau qui est rare. L'oiseau rose, l'oiseau noir. Indique le ton et mon insolence, elle m'apporte un air de con. Elle sait que je suis du jambon. Je ne crois plus en rien, Jésus me déplaît. Les femmes ne m'aiment plus. Je suis le vieillard le plus excitant en ville. J'observe les lunettes du matin. J'assume les couleurs fortes de c'était comme ça, on se faisait des caresses et on se touchait les fesses. Maintenant on va qu'au cinéma. Maintenant on va qu'au cinéma. Maintenant on va qu'au cinéma. Thank you. Il a peur de tout. Il étouffe. Il me parle d'informatique. Il s'endort. Bloody. Il s'agissait à Audiomatic du projet américain Japanese Breakfast mené par Michelle Zauner et sa chanson Diving Woman qui ouvre son deuxième album studio Soft Sounds from Another Planet sorti en 2017. Précédemment, à Japanese Breakfast, c'était l'artiste française Catherine Hershey. Elle nous interprétait sa chanson « Homme nu » qui est extraite de son album « Ici le cœur » lancé en 2014. Avant Catherine Hershey, nous vous avons présenté le septuor mascoutin Kaltar Bateau avec sa composition « À force de vieillir » qui est tiré de l'album « Verbal Boisson numéro 7 » qui est paru en 2013. Et pour débuter ce bloc atypiquement de quatre pièces, le duo américano-turc Didon, formé du producteur américain Carmen Rizzo et de la chanteuse turque Meryem Benamor, nous offrait la chanson « On My Way » qui se retrouve sur leur premier album « Tunisian Tale » rendu disponible au public en janvier 2023. Audiomatic se poursuit maintenant avec le projet Signal Out 42. Thank you. moving and the disco it. We were looking for our roof. Audiomatic, nous venons d'écouter le duo péruvien Cielo, qui est basé en Espagne. La pièce Isabel Dice, tirée de l'album Paraíso Vacío, sorti en 2007. Avant Cielo, c'était la formation suédoise The Knife et la pièce Girls Night Out de leur deuxième album Deep Cuts, qui est paru en 2003. Et en début de séquence, c'était le groupe Signal et Out 42 et la pièce Summer 79 tirée de l'avant-dernier album Inspiration, publié en 2013. En conclusion de cette transmission 4-3-2 de Geomatic, nous avons décidé de vous faire entendre la musique du duo anglais Cobby and Litton, formé de l'écrivain Russ Litton et de Steve Cobby, qui est un des fondateurs de la formation Fila Brasilia. En 2016, ils ont collaboré sur l'album My People Come From the Sea, et de cet album, nous entendrons la pièce Tongue. Les sonoristes poursuivront leur travail la semaine prochaine avec la transmission 433 d'Audiomatic, qu'il est possible d'entendre en direct du Québec le mercredi entre 17h et 18h, heure normale de l'Est. Il est possible d'écouter, en dehors de toute heure normale, les transmissions passées d'Audiomatic en accédant aux archives, notamment par l'entremise de notre profil facebook.com/audiomatic-cfou. Voici donc Cobby and Litton et la pièce Tongue. C'était Audiomatic avec les sonoristes. That boxer kick, hand stone wet through. Sat in a taxi office, trying to ignore the queue, forming outside, notice on the wall. Life is not the destination, the journey is all. Well, they would say that, wouldn't they? Well, they would say that, wouldn't they? Like you would say that I am a terrorist empathizer. I am terrified of empathy. The culture of defiance. Defiance, defiance, defiance. Culture of deference. Monkeys are entering the Bronze Age, the city of vultures. He has no mouth. He cannot speak, born in the pouch. See you on top of the pops. And they disappear down corridors. Deference. The vultures of defiance. Vitamin deficiency in the brain. Mark. Mark. Mark. Mark. The tongue fell out of his mouth and slapped on the concrete. A pink fish gasping, flapping. None of us could believe it. Our Kerry, our Angie, our Dean, our kid. 2 seconds before, he'd been sailing above our heads, held safe by creaking steel before grappling thin air and landing hard and square. The teeth biting down, the wet flesh flying in his t-shirt, a sudden apron of red. Picked his tongue up, he went off like a car alarm across the field. After steaming packets, kid him around the kitchen table with his bumper book of fantastic facts. Fantastic facts, number 549. Steam, steam, steam is invisible. The stuff you see coming from a kettle, it's not true steam, real steam. Is invisible, is invisible, invisible, is invisible, is invisible, is invisible, is invisible, is invisible. It appears in the gap between. I thought about Matt. face now in his mouth, could they rebuild him? Sew it back on? Or would he be short tongued forever? The lad who had to talk with his hands, bad tempered lad, used to spit at the ice cream van, swing it out at the world, and it did not listen when it did not pay attention, when it did not understand. Teapot, smoke still caring, look for the gap, before I knew how. Mouth was fastened over the spout. Breathe in. Went off like a car alarm. Brought them all back into the kitchen from out the back way. And the gas fire. And the music from Crown Court. And next door too, what in God's name are you doing? I could not tell her. I could not speak. His well was on fire. His well was on fire. Bigger than my brain.